La chasse au DRH, une réussite? C'est un texte qui est paru sur ce nouveau lundi matin du 16 octobre 2017, le lundi matin numéro 118, à retrouver sur le site lundi.am et qui fait un retour sur la chasse au DRH qui a défrayé la chronique après avoir absolument fait sourire beaucoup de monde. Ce week-end dernier, donc le week-end qui vient de passer, en voici la lecture. La chasse aux DRH que nous avions relayée dans nos pages la semaine dernière a donc bien eu lieu. Alors que son annonce n'avait pas retenu l'attention de nos confrères, les médias généralistes, sa tenue n'a pas manqué de provoquer scandale et indignation. Comme souvent, lorsque la presse s'emballe, il s'agit de prendre du recul, ou au contraire de se rapprocher plutôt de l'événement. Nous avons donc demandé à l'un des participants de nous raconter cette matinée champêtre. Ce texte commence par une longue citation d'un texte qui s'appelle La fête est finie, que voici donc cette citation. Ce qui s'oppose à la métropole ne se définit pas en termes de territoire, mais en termes de présence. S'il y a bien des zones absolument métropolitaines, au sens de zones absolument sous contrôle, il n'y a pas de territoire non métropolitain. C'est la totalité du territoire qui, en tant que territoire, c'est-à-dire en tant que désert, est polarisée par la métropole. Une inexorable banlieue s'étend sans conteste de Paris jusqu'au village le plus reculé du Limousin. Ce qu'il y a en revanche, ce sont des forêts. Des foyers de tailles diverses, constellant, trouant le territoire, le retournant sur lui-même, où la polarisation métropolitaine ne parvient plus à s'exercer. Il y avait, jusqu'à une date récente, de la forêt dans le 18e arrondissement de Paris, comme il y en a en Lozère. Il y en a dans les esprits aussi. Cet extrait donc de La fête est finie, thèse sur l'île 2004. Et voici donc ce témoignage. Pénicaud paniquant, finalement, de se rendre au pré-Catalan, les organisateurs devant réviser tout leur programme pour désamorcer le scandale public, des participants qui réclament d'être remboursés pour n'avoir pas pu réseauter avec la ministre, des DRH qui se précipitent hors du restaurant pour aller garer leur voiture ailleurs, se rappelant soudain combien tout le monde les déteste. Un congrès qui s'était voulu discret et s'attirant finalement une attention peu amène. Images de voitures brûlées faisant les gros titres, mais résumant de manière un peu plus unilatérale l'idée de chasse au DRH. Arrestation sans queue ni tête de manifestants sur le départ, garde à vue et déferrement sur la base de témoignages policiers hallucinés de gens qui n'ont à l'évidence, pas bouger du rassemblement statique, autorisé par la préfecture, préfecture déclarant soudain avoir interdit le rassemblement qu'elle avait autorisé 2 jours plus tôt, etc. Il n'est jamais simple d'évaluer la réussite ou l'échec d'une action. Faut-il s'attacher à ses effets immédiats ou à ses échos différés? Faut-il s'en tenir aux conséquences visibles ou aux propagations plus subtiles? Est-ce le seul nombre des manifestants qui mesure le succès d'une manifestation, ou la détermination de ceux-ci, ou la justesse de leurs gestes? Qu'est-ce qui importe? L'efficacité intérieure de l'action sur la force qui se manifeste, ses effets sur l'ennemi, ou son impact sur le public, entre guillemets? Il faut commencer par admettre que nous étions peu nombreux à 8h du matin ce 12 octobre aux deux extrémités de la route de la Grande Cascade, une centaine, guère plus. À l'une des extrémités, le rassemblement annoncé sur le site chasseauderache.com au niveau du lac inférieur. De l'autre, celui finalement autorisé par la préfecture en face du pré-Catalan, où stationne depuis 7h45 la camionnette de Sud Santé Sociaux, surmontée de sa surpuissante sono, bientôt rejointe par celle de Solidaire avec son ballon magenta rituel. Ceux qui se rassemblent au niveau du lac se mettent en route vers le point de rassemblement autorisé. Certains empruntent la route de la Grande Cascade pour se retrouver escortés par une double haie de gendarmes mobiles, décidés à leur couper l'envie de bifurquer vers le pré Catelan. D'autres passent à travers bois et fatalement, du bois se retrouvent en travers de la route de la Grande Cascade. La tentation en est trop grande vu la quantité de branches qui jonchent le sol. Geste qui amène une intervention immédiate des gendarmes mobiles, toute sirène hurlante, et une dispersion des lutins transporteurs de troncs dans la forêt. Il est toujours surprenant de voir combien la forêt, même quand il s'agit du bois de Boulogne, est hostile aux forces de l'ordre qui ne s'aventure pas par ses sentiers qu'à regret et avec parcimonie comme s'y trouvaient disposés 1000 pièges recouverts de branchages, 1000 embuscades fondues dans le décor. Vers 9h, l'ensemble des forces tout court ayant répondu aux 4000 flyers distribués à la manifestation du 10 octobre, aux appels, vidéos et tribunes parus sur différents sites, aux graffitis traitant du 12 octobre, bref, l'ensemble de ceux qui haïssent du fond du cœur les DRH sont là, au croisement de l'avenue de la Reine Marguerite et de la route de la Grande Cascade, nous sommes 200. Le rendez-vous était matinal, certes. Le terrain de jeu pas nécessairement familier, le site Chasse au DRH mis en ligne bien tardivement, la diffusion des appels à l'action cantonnée à un public effectivement réduit, mais tout de même, 200, c'est peu. Deux militantes de Solidaire assurent à la Sono un accueil personnalisé, inspiré et fort désobligeant aux quelques DRH égarés qui se font déposer en taxi devant le rassemblement. Des chansons, des rappels des activités de Pénico et des considérations sur le contenu du congrès font sourire l'assistance. Des forains en bisbille avec LVMH et les grands groupes qui tentent de mettre la main sur le marché des attractions se joignent au rassemblement pour faire valoir leurs doléances et perturber un peu le trafic automobile. Au fil de la matinée se répand peu à peu cette nouvelle qui laisse tout le monde un peu incrédule. Pénico, qui la veille encore devait faire le déplacement au congrès des RH, aurait finalement annulé sa visite à ses chers collègues. 200 personnes dans un bois saturé de Robocop auraient fait reculer une ministre qui, plus est, DRH de l'entreprise France. Une ministre qui ajoute ainsi à l'erreur d'avoir prévu de participer à cette indéfendable rout, celui d'y renoncer. Pendant que le rassemblement se tient, vers 9h30, une incursion est tentée au nord du Pré-Catelan par une équipe mobile de lutins chasseurs de DRH. Ils parviennent, malgré le dispositif policier, jusque dans le parc du Pré-Catelan, s'approchant jusqu'à une dizaine de mètres de la véranda, derrière laquelle les managers commencent déjà, lors de tout siège qui se respecte, à se bourrer la gueule. On est ivre à l'intérieur, ivre de dépit, ivre de sociabilité frustrée, ivre de désamour aussi. Au dehors, les lutins dressent une barricade sur la rue pour tenir au loin les CRS et protéger leur incursion dans le Pré-Catelan. Ils déplacent des troncs, palettes et voitures pour ce faire. Curieusement, les CRS ne bougent pas. Ils attendent on ne sait quoi, certainement l'arrivée de renforts capables de courir dans les bois. On les entend se plaindre d'être face à des gens en jean basket qui courent plus vite qu'eux. L'ensemble, il semble que ce soit sur ces entrefaits. Pardon. Il semble que ce soit sur ces entrefaites, les DRH se dérobant à tout contact direct, que certains manifestants aient décidé, avant de se disperser, de s'attaquer à leurs voitures, des voitures de marque et de fonction. On sait l'écho que ce geste a rencontré dans les médias, toujours avides de ce genre d'image subliminalement infernale. Difficile de rater Sophie, qui, sortant du congrès, trouve sa voiture calcinée et, tout en s'en plaignant à la caméra, semble s'en amuser intérieurement. Peut-être songe-t-elle à la nouvelle voiture de fonction qui viendra la remplacer, ou peut-être a-t-elle un peu forcé sur le champagne. Sophie est-elle Sophie Delpuech, organisatrice du congrès pour la société Arcaneo? Ou Sophie Delpuech a-t-elle un rapport autre que d'onomie avec Michel Delpuech, le préfet de police de Paris? Toujours est-il que ces voitures brûlées ont beaucoup fait parler d'elles, et par contre-coup du congrès des DRH, et par contre-coup des casseurs, Black Bloc et autres succubes de l'ultra-gauche. On a même spéculé, comme toujours dans les rangs des conspirationnistes de gauche rivés à leurs impuissances, que ce serait là le fait de la police, de policiers en civil, d'agents provocateurs, etc. Avant d'en venir à de pareilles hypothèses, faisons l'expérience mentale de nous placer dans la tête et le cœur du lutin masqué au moment où il glisse son fumigène par la vitre fracturée de la BMW X6 Sport. Quelles pensées peuvent bien passer par son esprit à ce moment? Ouvrez les guillemets. Depuis le temps que des voitures brûlent en banlieue et que l'on rétorque aux jeunes « Mais pourquoi vous n'allez pas aller brûler les voitures dans le 16e arrondissement ?» Eh bien maintenant, ce sera chose faite. Fermez les guillemets. Ouvrez à nouveau les guillemets. Ça leur apprendra à condamner aussi lourdement les accusés de l'incendie de la voiture du quai de Valmy. Fermez les guillemets. Ouvrez à nouveau les guillemets. Ben, aujourd'hui, c'est le burn-out pour les voitures des DRH, vu que tous les autres jours, c'est celui des salariés. Fermez les guillemets. Et ouvrez à nouveau les guillemets. Ils ont passé la loi travail 2 en force. L'heure de la vengeance a sonné. Fermez les guillemets, etc. Ce ne sont là que des hypothèses, mais qui paraissent plus vraisemblables que les élucubrations de l'usuel conspirationnisme stalinien. Quoi qu'il en soit, il est remarquable que, si l'on s'est offusqué des incendies de voitures, nul ne soit allé jusqu'à manifester de l'empathie pour leurs propriétaires, à commencer par les présentateurs de télé qui semblaient presque s'en amuser, à croire que tout le monde déteste vraiment les DRH. On peut dire que la préfecture a sauté sur l'occasion pour reprendre la main, sinon dans la rue où elle l'avait manifestement perdue, du moins dans la sphère de la communication. Elle a fait ce qu'elle fait toujours en pareil cas, le 14 juin avec l'hôpital Necker ou lors de l'attaque asymétrique de la voiture de police qu'est Valmy, face à une défaite dans la rue, un dispositif débordé et un geste au sens excessivement univoque, il faut frapper un grand coup, il faut retourner l'affect d'hilarité naissant. Il faut surcommuniquer et surréprimer et surcommuniquer sur la surrépression. Alors que le rassemblement légal commence à se disloquer pour aller pique-niquer au bord du lac inférieur, les agents de la BAC et les gendarmes mobiles reçoivent l'ordre de faire un maximum d'arrestations pour faire bonne mesure. On asse donc, afin de pouvoir dire « Regardez comme nous avons frappé fort, regardez ce qu'il en coûte de nous déborder ». À peine les manifestants nassés, un communiqué de presse est publié sur Twitter par la préfecture sans coup férir. Interpellation de 41 individus dans le bois de Boulogne suite à des dégradations de biens privés et des violences commises sur les forces de l'ordre. Mazette. Pour un rassemblement aussi peu fréquenté, quel rendement répressif. Tout est dans le bluff. Dans ce genre de communication, on déclare interdit un rassemblement autorisé avec un aplomb de procureur. Et tout est dans le détail. En l'espèce, tout est dans le suite. Effectivement, les manifestants ont été arrêtés après l'heure de l'incursion des lutins et des feux de berline, mais sans rapport aucun avec la chose. Peu importe que les manifestants aient presque tous été libérés immédiatement, peu importe que les 5 présumés coupables élus pour la garde à vue soient restés toute la matinée au niveau du rassemblement autorisé, peu importe que la personne à qui l'on tentait d'imputer un incendie de voiture ait dû être libérée sans charge, tant les témoignages policiers étaient visiblement bidonnés. Peu importe que les cinq élus l'aient été, comme pour l'affaire du quai de Valmy, pour leur profil politique. Peu importe que ceux-ci soient finalement libérés, que les faux témoignages policiers les voyant un tel faire ceci ou cela en dépit de l'évidence contraire et vocation à être confondu au terme de quelques mois d'enquête. Le temps de la communication est un temps court. Le temps de l'incendie social sous-jacent qu'il faut continuellement travailler à éteindre. Le temps des contre-feux allumés opportunément et aussitôt noyés. La préfecture a bien géré sa com en temps réel. Les journaux ont docilement repris ses faits et son langage. Quand bien même il ne serait corrigé par la suite, il se serait corrigé par la suite. L'amnésie organisée fera le reste. Mais nous n'oublions pas et nous ne pardonnons pas. Nous ferons du 12 octobre un commencement et non l'éteignoir que la répression a tenté de lui appliquer. Et nous ne serons pas toujours de sang. Voilà. C'est un texte paru sur le site lundi.am qui revient sur ce qui s'est passé lors de la chasse au DRH, qui, rappelons-le, pour la terminologie de chasse, était une malicieuse pique concernant le fait d'être au cœur du bois de Boulogne. Quant au nombre de voitures, j'ai découvert suite à la déferlante de communication outrée des mainstreams et de la préfecture qu'au final il n'y avait que deux ou trois voitures cramées, une des voitures ayant été un effet collatéral si j'ai bien compris, enfin bon, bref. Rien de bien dramatique et aucun blessé pour une fois. À bientôt dans les rues, hein, j'espère. Au revoir.